Wet, we gardena in yer dagum, theod kinninga thrim yfrunum, utha etherlingas ellen fremedon. Chouette, vous écoutez Baleines et Dragons, le podcast où on se plonge page à page dans Beowulf, ce poème étrange rescapé du Nord ancien. Enfilez un bon gros pull et versez un trait ou deux d'hydromel dans vos thermos. Rumeurs flippantes d'une halle hantée, départ à l'aventure casque au vent, battle de rhétorique sur plage de sable, on vous emmène sur des pages agitées où cheminent les baleines. Salut Nicolas! Bonjour Laure! Ça y est, on entre dans le cœur du texte, enfin. Dans l'épisode précédent, nous avions présenté le texte et le principe de ce podcast, c'est-à-dire de partager notre fascination pour cet étrange récit scandinavo vieil anglais aux origines mystérieuses. Oui, et si vous avez écouté l'épisode 0, il est toujours temps de le faire, n'hésitez pas, vous connaissez déjà un peu les détails de ce poème épique Beowulf. Et bien là, aujourd'hui, on va en lire une première partie, de manière un peu immersive, puis ensuite on échangera ensemble à propos de ce texte, dont on espère qu'il vous plaira, et ne perdez pas patience, ne perdez pas foi, vous allez voir, tout va bien se passer encore une fois. Bon, en tout cas, on espère que vous êtes prêts, parce que là maintenant tout de suite, on vous embarque pour le premier épisode de Beowulf, en route vers la halle hantée. Orsa, des rois du peuple des Danois à la lance, au temps jadis, nous avons entendu conter la gloire, comment ces princes accomplirent des actes de bravoure. Souvent, Sild Sefing volait aux troupes d'adversaires, main peuple, les sièges sur lesquels ils buvaient leur hydromel, répandaient la terreur sur les hommes, lui qui avait d'abord été découvert abandonné. En échange, il vécut et connut réconfort, devint puissant sous les cieux, prospéra en tout honneur jusqu'à ce que tout ce qui demeurait alentour, sur la mer où chemine la baleine, dût lui obéir et lui payer tribut. C'était un bon roi. Il lui naquit ensuite un héritier, jeune enfant à sa cour, que Dieu lui envoya pour le réconfort du peuple, ayant perçu l'affreuse détresse qu'il avait auparavant longtemps endurée en l'absence d'un prince. C'est donc à lui que le seigneur de la vie qui gouverne en gloire accorda l'honneur parmi les hommes. Beo était illustre, de toutes parts émanait sa gloire, héritier de Sild en Sédeland. Lors, à l'heure assignée, Sild le Valeureux passa sous la garde du Seigneur, et ses chers compagnons le portèrent jusqu'aux flots marins, tout comme il le leur avait lui-même ordonné du temps où, étant encore leur prince, de ses paroles, il gouvernait les Skildings. Bien-aimé seigneur du pays, longtemps il en fut maître. Là, au port, proue annelée, parée de glace, impatiente de partir, se trouvait la barque du prince. Ils étendirent alors leur roi bien-aimé, dispensateur d'anneaux, dans le sein du navire, en gloire auprès du mât. Il y avait moult choses précieuses et trésors rapportés de régions lointaines. Ensuite, c'est à Hrodgar que furent octroyées fortune en guerre et gloire en bataille, si bien que les vassaux de son propre clan lui obéissaient de bonne grâce, et que le nombre de ses jeunes guerriers s'accrut pour former une puissante compagnie d'hommes. Vint alors à son cœur l'envie d'ordonner que fût construite une halle et demeure, maison plus imposante pour leur libation d'hydromel que n'en avaient jamais connu les enfants des hommes, et c'est à l'intérieur qu'il attribuerait aux jeunes et aux aînés toutes choses que Dieu lui avait accordées, hormis la terre de son peuple et la vie des hommes. Lors, j'ai ouï dire qu'à main clan, de toutes parts, sur cette terre du milieu, fut proclamé l'ouvrage, la décoration de cette demeure des hommes. En quelque temps, promptement parmi les hommes, il advint à Hrodgar que tout était prêt, la plus grande des maisons et des halles. Pour elle, celui-là même dont, en tout lieu, la parole était loi, conçut le nom de Eoroth. Il ne trahit point sa promesse. Les anneaux ils distribuaient, ainsi que des trésors lors des festins. Cette halle se dressait très haut, ornée de larges pignons cornus, dans l'attente des tourbillons guerriers d'un feu dévastateur. Le moment n'était point éloigné où, entre le père et l'époux de sa fille, une haine meurtrière en mémoire d'une funeste querelle s'éveillerait de nouveau. C'est alors que l'esprit féroce qui demeurait dans les ténèbres souffrit une période de graves tourments. Jour après jour, il entendait retentir dans la halle le vacarme des réjouissances. Là résonnait le son de la harpe et le chant limpide du ménestrel. Là parlait celui qui savait, pour dévoiler, depuis les jours lointains, le tout premier commencement des hommes et raconter la façon dont le Tout-Puissant avait créé la terre, la vallée d'une beauté éclatante encerclée par les eaux. La façon dont, triomphant, il avait placé la lumière radieuse du soleil et de la lune pour éclairer les habitants des pays et orner de rameaux et de feuilles les régions du monde. Il avait également conçu la vie pour toute espèce douée de mouvement et d'existence. Ainsi, même les hommes de cette compagnie vivaient-ils dans la liesse et le bonheur jusqu'à ce qu'un être se mit à accomplir des œuvres de mal, un démon de l'enfer. Grendel était le nom de cette sinistre créature, ce hanteur malfamé des frontières du pays qui surveillait les landes, repère fait de marais et qui, le malheureux, habitait depuis longtemps le pays du peuple troll, car le Créateur l'avait proscrit, ainsi que la race de Caïn. Lors, Grendel partit. La nuit venue, espionner cette altière maison, voir comment les Danois aux anneaux, une fois la bière bue, avaient ordonné l'intérieur de leur logis. Il y trouva une assemblée de seigneurs endormis après leur festivité. Ils ne connaissaient point la tristesse, ce malheureux destin des hommes. Cette créature maudite, vorace et sinistre, fut promptement prête. Ce furent 30 chevaliers dont elle s'empara sur leur couche. De la halle, elle ressortit, jubilant au-dessus de ses proies, et prit le chemin du retour, emportant l'abondant butin de son crime, afin de regagner son repère. Ensuite, à l'aube, dès la première lueur du jour, la force en bataille de Grendel apparut pleinement aux hommes. Lors, des pleurs s'élevèrent, après les festivités, puissants cris au matin. Le roi glorieux, leur prince depuis longtemps confirmé, était assis sans joie. Cette période fut longue. 12 hivers durant, le cher seigneur des Skildings souffrit angoisse, tous les malheurs et profonde tristesse. L'on fit alors savoir aux hommes et révéla aux enfants de l'humanité, tristement, en chanson, que Grendel luttait depuis un moment contre Hrodgar, déployait haine et malveillance, méfaits et inimitié. Depuis maintes années, un combat incessant. Il ne voulait de trêve avec quiconque parmi la troupe danoise, ni ne voulait réfréner sa cruauté funeste, ni accepter manière de paiement. Et aucun des conseillers n'avait de raison de s'attendre à une compensation en or des mains du meurtrier. Non, ce féroce tueur les poursuivait encore. Jeune autant que chevalier, ombre obscure de la mort, tapis et aux aguets, veillant de longues nuits sur les landes brumeuses. L'on ne sait où vont les sorciers de l'enfer dans leurs errances vagabondes. Ainsi, maint acte de malveillance souvent il commit, cet ennemi des hommes qui rôdait seul, effroyable, maint affreux outrage. Par les nuits de ténèbres, il demeurait dans la halle de Eoroth, resplendissante de pierres précieuses. Jamais il ne pouvait approcher le précieux trône de grâce en présence de Dieu, point il ne connaissait sa volonté. C'était un grand tourment pour le seigneur des Skildings, de l'angoisse en son cœur. Moult puissant siégeait souvent en communion, prenant conseil sur ce qu'avaient de mieux à faire les hommes fermes de cœur contre ces terreurs atroces. Parfois, il voyait des sacrifices aux idoles, dans leur tabernacle païen, implorait en prière le meurtrier des âmes de leur octroyer de l'aide contre les souffrances du peuple. De ces faits, des actes de Grendel, le chevalier de Hugelac, estimé parmi les Goths, eut vent au loin dans son pays. En cet âge de la vie ici-bas, il était par la puissance le plus fort du genre humain, noble et d'une stature outrepassant mesure d'homme. Il ordonna que lui fût préparé un solide vaisseau pour parcourir les vagues, disant qu'au-delà des eaux par lesquelles chemine le cygne, il irait trouver le roi guerrier, ce prince illustre, puisqu'il avait besoin d'hommes. Quant à cette traversée, les sages trouvèrent peu à redire, bien qu'il leur fût cher. Ils encouragèrent son cœur vaillant et observèrent les augures. Ce brave avait choisi des champions du peuple Go parmi les plus hardis qu'il avait pu trouver, et à 15 en tout, ils allaient à présent rejoindre leur navire en bois, tandis que ce guerrier, habile à parcourir les chemins de la mer, les guidait vers les abords du pays. Le temps passa. Le bateau était à flot sur les vagues, au pied des falaises. Impatients, les guerriers montèrent en proue, et les courants de la mer tourbillonnèrent sur le sable. Des hommes d'armes portèrent jusqu'aux ossins du navire leurs harnois éclatants, leurs savantes tenues de guerre. Lors, ces hommes en route pour une joyeuse traversée le poussèrent au large, son bois bien assemblé. Sur les vagues des flots profonds, il partit, hâté par le vent, voguant l'écume au col, fort semblable à un oiseau, jusqu'à ce que, au moment voulu, le second jour, sa proue courbe eût parcouru un tel chemin que ses marins virent terre, les falaises scintillant tout près de l'océan, d'abrupts promontoires et des caps se jetant loin dans la mer. Lors, pour ce navire qui voguait, le voyage prenait fin. Les hommes du peuple ami du vent en sortirent et montèrent promptement sur la plage, puis attachèrent la coque de leur navire que la mer avait portée. Leurs côtes de mailles, ils secouèrent leur tenue de guerrier. Ils rendirent grâce à Dieu de ce que le passage des vagues leur avait été rendu facile. Lors, depuis le haut rivage, les veilleurs des Shieldings, qui avaient pour devoir de garder les falaises proches de la mer, les vit transporter sur la passerelle leurs écus éclatants et harnois splendides. Il fut frappé en son cœur par l'angoisse d'apprendre qui ces hommes pouvaient bien être. Chevalier de Hrothgar, il se rendit alors sur la plage, chevauchant sa monture, puis brandit puissamment entre ses mains la robuste hampe de sa lance, et demanda en termes solennels « Quel guerrier êtes-vous, vêtu de corselet, qui êtes ainsi venu jusqu'ici, guidant votre grand navire par les rues de la mer, sur les eaux profondes ?»« Orsa, depuis longtemps j'habite aux confins du pays, monte des eaux la garde, pour que, pays des Danois, nul adversaire ne puisse à bord d'une flotte d'assaut venir faire des ravages. » Jamais hommes armés n'ont plus ouvertement tenté de débarquer ici, sans connaître du tout le mot de passe des hommes en arrois de guerre, ni avoir le consentement de parents. Jamais je n'ai vu sur terre plus grand homme que l'un d'entre vous, guerrier en armes. Ce n'est point un serviteur de Hall montrant bravement les armes, si sa belle allure et sa mine sans pareil ne mentent point. Or, je dois apprendre de quel peuple vous êtes issu, au lieu de vous laisser dépasser ce lieu, faux espions, et pénétrer dans le pays des Danois. Écoutez donc, vous qui vivez au loin, navigateur de la mer, voyez ma pensée prononcée clairement. Mieux vaut pour vous, vous hâter de déclarer en quel endroit a débuté votre trajet. » Le chef alors lui fit réponse. Le meneur de la compagnie ouvrit sa réserve de mots. « Nous sommes, par notre race, hommes du peuple Go, et compagnons d'âtre de Huyelac. Mon père était renommé parmi les peuples, noble guerrier à l'avant-garde dans la bataille. Il s'appelait Exeo. Maint hiver il vécut, avant de quitter sa demeure durant sa vieillesse. De toutes parts sur cette terre, tous les sages se souviennent fort bien de lui. C'est dans une intention amicale que nous sommes venus ici trouver ton maître, le fils de Helfden, défenseur de son peuple. Sois bienveillant envers nous dans tes conseils. Nous avons pour lui, qui est illustre, le seigneur des Danois, un message d'importance. Et une certaine affaire ne doit point rester secrète, comme je le crois. Tu sais, s'il est exact, comme en vérité nous l'avons ouï dire, que parmi les Shieldings, je ne sais quelle funeste créature, fauteuse d'actes de haine secrète, par les nuits de ténèbres, manifeste de manière effroyable sa malice monstrueuse, honte des hommes et fléau des morts. C'est à ce propos, et le cœur sans réticence, que je puis donner conseil à Hrothgar sur la façon dont lui, sage et bon, triomphera de son ennemi, la façon dont apaiser ses douleurs cuisantes. Il souffrira sinon toujours une période d'affliction et d'affreuse détresse, tant que, en ce haut lieu, demeurera la plus belle des maisons. Le veilleur prit la parole, assis sur son coursier, intrépide serviteur du roi. Un homme à l'esprit pénétrant, qui prête bien attention, discerne la vérité tant dans les paroles que dans les actes. Mes oreilles m'assurent qu'il est ici une compagnie favorablement disposée envers le seigneur des Shieldings. Avancez donc, portant vos armes et armures, Je vous guiderai. À mes jeunes écuyers, en outre, j'ordonnerai de protéger honorablement votre navire, votre vaisseau nouvellement calfaté sur le sable de tous les ennemis, jusqu'à ce que par son bois et sa proue en volute, il ramène par les courants de la mer son maître bien-aimé jusqu'au Weathermark. À un tel bienfaiteur, il sera sûrement accordé de réchapper sain et sauf de cet assaut de guerre. Ils se mirent alors en marche. Le vaisseau de leur flotte demeurait à présent immobile, navire au sein profond, retenu par la haussière attachée à son ancre. Des motifs de sangliers brillaient au-dessus des garde-joues, ornés d'or étincelant, durcis par le feu, masques de guerre féroces et portant des filles, qui de la vie montaient la garde. Les hommes se hâtèrent, avançant ensemble à grands pas, jusqu'à ce qu'ils pussent distinguer l'édifice de la halle, orné d'or éclatant. C'était en renommée la plus éminente de toutes les maisons sous les cieux parmi les habitants de la terre, dans laquelle résidait le puissant roi. Sa lumière brillait sur maints pays. Puis, ce hardi guerrier leur désigna bien visible cette cour d'hommes fiers, afin qu'ils pussent la rejoindre directement. Lors, le veilleur fit faire demi-tour à son cheval, et sur ce prononça ces mots. « Il est temps que je parte. Que le Père Tout-Puissant, dans sa grâce, vous protège durant votre quête. Je m'en vais jusque à la mer, monter ma garde contre les armées hostiles. » Et voilà pour ce premier passage de Beowulf. Alors on s'excuse de vous avoir balancé à l'eau sans vous préparer à ce défilement de noms propres et de cette généalogie au début. Hein. On a traversé ça avant vous et ça ne nous a pas découragés. On espère que ce sera pareil pour vous, puisque effectivement on a une chose quand même un peu étrange. Hein. On commence le poème par une généalogie, pas du héros, mais en fait du roi, d'un roi danois et de la cour, que le héros va plus tard secourir. Mais le héros, il est même pas danois. Je suis d'accord, il y a un côté un peu étrange et c'est fastidieux. On attend les aventures d'un mec qui va tuer des monstres et en fait on a une généalogie bizarre avec des détails dont on se dit on pourrait franchement s'en passer, il y a des répétitions. La réflexion que je me faisais en relisant ce texte, c'est que moi ça me rappelle un peu l'Ancien Testament, avec ses très longs livres qui sont consacrés uniquement à aligner des noms de lignées royales. Tout le monde attend Jésus finalement, enfin il y a une époque où on n'attendait pas Jésus, mais nous, contemporains, quand on se dit je vais lire la Bible, on se dit mais où est Jésus? Et puis on attend peut-être aussi le dragon de l'Apocalypse, qui est vachement plus funky que toutes les lignées, quoi. Et en fait, il y a une hypothèse, l'alignement des lignées royales, etc., ce serait peut-être une fonction de ce genre de poème, parce que en fait, si Beowulf ça a attiré les historiens en quête de sources pour documenter l'histoire nord-européenne, parce que en fait, peut-être que on pourrait dire la fonction réelle de ces détails, ce serait peut-être de consigner la mémoire des noms et des générations. Mais en fait, si c'est effectivement plutôt un poème de distraction et une histoire, l'idée c'est plutôt au contraire de plonger l'auditoire dans une atmosphère pluriséculaire, dans une sorte de passé mythique. Et donc, on mélange des morceaux de choses plus ou moins vraies, tout en assumant qu'on est là pour l'histoire, quoi. Ça serait plutôt une sorte de façon de mettre l'ambiance, et pas vraiment un geste mémoriel de dire « Ah oui, ces générations ». C'est plutôt un genre de passé fantasmé, empreint de mystères, de figures glorieuses, c'est le décor du récit. C'est ce qui contribuerait à une forme d'entrée dans le monde qui nous est conté. Bref, ce serait un procédé stylistique propre à son époque, comme de nos jours dans nos romans, on a nos tropes de fantasy qu'on connaît bien et on se dit on est chez nous, c'est ça qu'on cherche, quoi. Et d'ailleurs, on a repris un peu au fil des siècles ce genre de procédé un peu lourdingue, hein, qu'on dirait maintenant. Mais bon, apparemment, ce que tu me disais, Nicolas, c'est que c'est plutôt une hypothèse contestée, en fait, l'hypothèse stylistique. Oui, et ce que tu dis, c'est un peu l'hypothèse qu'a formulée Tolkien dans sa conférence. Voilà, on reviendra un petit peu sur l'apport de Tolkien à l'étude de Beowulf, mais ça a été un des premiers à dire en fait on est face à un auteur vieil anglais vraiment, au 19e siècle. Le texte, je raconterai ça à la fin du podcast, il a été redécouvert vraiment assez tard, au début du 19e siècle, et au début les gens pensaient que c'était plutôt un collage de textes scandinaves en fait, expliquer un peu ce qu'on avait du mal à comprendre au niveau de la construction du récit, comme par le fait que c'était une sorte d'assemblage pas tout à fait, pas très bien fagoté, quoi. Et du coup, Tolkien a introduit cette idée qu'en fait, c'est une construction qui est atypique, mais qui relève vraiment le choix d'un auteur qui serait vieil anglais, qui serait du 7e, 8e siècle, à partir de sources, de matériaux scandinaves, qui choisit justement ces matériaux scandinaves, comme tu dis, pour leur ancienneté, et qui cherche vraiment à donner cette impression de profondeur, donc en ayant ces lignées mythiques danoises très anciennes, déjà très ancienne au 8e siècle. Quoi. Donc c'est plutôt un genre de... On hésite entre est-ce que c'est un poème mal fagoté ou un... En fait, cette hypothèse du collage, de toute façon, elle n'est plus tellement suivie. Par contre, il y a des auteurs, mais dès les années 50, c'est Kleber, je crois que c'était un petit peu un des grands spécialistes de l'époque, qui a travaillé toute sa vie sur Beowulf, et à la fin de sa vie, qui a carrément exprimé l'avis que selon lui, en fait, il y avait quasiment rien d'anglais là-dedans, et que c'était essentiellement scandinave, en fait. Et donc, c'est une hypothèse que j'ai l'impression qui est plutôt minoritaire, mais qui a quand même une certaine histoire. Et il y a encore des auteurs aujourd'hui, dont un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, un grand archéologue suédois, qui avance l'idée que, en fait, c'est certainement essentiellement une construction scandinave qui est arrivée tardivement en Angleterre, mais plutôt avec très peu de modifications une fois qu'elle est arrivée en Angleterre. Elle a été traduite en vieil anglais, mais en fait, c'est essentiellement un récit qui a été construit, élaboré en Scandinavie. Et donc, cette idée que donc tout ce que développe Tolkien sur en fait le fait qu'il y ait une volonté de la part d'un auteur vieil anglais de vraiment nous plonger dans un passé lointain, ce serait pas un effet stylistique, mais plutôt l'héritage du fait que c'est un récit qui a une longue élaboration, qui du coup a transmis, comme les récits oraux peuvent le faire très bien, on le sait, des informations très anciennes dans le temps, mais c'est pas exactement un effet stylistique selon une partie de ces auteurs, qui sont quand même plutôt minoritaires. On reste, j'ai l'impression, sur le consensus, sur l'idée de Tolkien, qu'on a quand même un auteur vieil anglais, c'est ce qui fait plutôt consensus aujourd'hui, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si on peut revenir au personnage de Shield Scheffing, oui, bah, entre-temps, depuis la lecture de tout à l'heure, on s'est renseigné sur la prononciation de ce roi mythique, hein. Donc apparemment, vieil anglais, ça se dit Shield Scheffing. Shield Scheffing, et non pas Skald Scheffing, comme j'ai pu le dire. En tout cas, lui et Beo, au Danemark, n'étaient pas considérés comme des rois historiques, c'était plutôt des sortes de figures un peu religieuses liées à l'agriculture, en fait, hein, à la culture du blé et de l'orge. C'est vraiment les vieux Anglais qui, en fait, ont imaginé que c'était des rois historiques dont les premières dynasties anglo-saxonnes se réclamaient, en fait. Ça aurait été un procédé de légitimation, en fait, de leur propre dynastie encore toute jeune, de se réclamer de rois très anciens qui auraient été donc Shield Scheffing et Beo, alors que voilà, les Danois ils considéraient pas que c'était des rois. Donc là on est vraiment sur ce point où en fait on voit que de toute façon il y a eu quand même une récupération anglo-saxonne de cette matière là à un niveau, quoi. Ouais, donc en fait c'est une forme de mythologie danoise, ou en tout cas nord-européenne. C'est vrai que pour revenir sur notre cher Shield Scheffing, il est présenté comme ayant une sorte d'ascendance mystérieuse. Il a été trouvé dans un panier voguant sur les flots, et il repart un peu de la même manière, avec la mention du fait qu'on ne sait pas où finit sa dépouille mortuaire. Il y a même une forme d'ambiguïté sur le fait qu'il n'est pas vraiment mort, il est simplement parti ailleurs. Alors évidemment, ça fait penser un peu à cette histoire biblique de Moïse dans l'Ancien Testament, qui est un futur leader inconnu, qui est d'origine royale, mais dont l'ascendance est méconnue et qui brillera par ses vertus particulières. Et on peut aussi penser à l'histoire d'Édipe, qui est aussi une affaire de royauté mêlée de mystère, avec une forte tension dramatique, parce que le spectateur est averti dès le début que son issue est tragique, ce qu'on retrouve tout à fait dans Beowulf, sous la forme d'annonces funestes, de destruction, de la gloire, qui est vraiment décrite. Le poète l'a fait miroiter tout en disant « ça va mal finir tout ça ». Et c'est vrai que tu parlais de l'idée de royauté mythique, en fait l'étymologie du nom de Scheffing. Donc Shield, ça, effectivement, ça fait sens quand on le prononce bien, mais ça renvoie à l'idée du bouclier, le shield. Et les Shieldings sont un nom de dynastie danoise, et Scheffing, apparemment c'est un thème un peu mystérieux, mais chef, ça serait une désignation d'une gerbe de blé. Shield de Scheffing arrive dans un panier avec une gerbe de blé, C'est vrai que ça construit un peu la figure mythique et l'illustration de ce qu'est un bon roi, parce que il est protecteur, il défend avec le côté bouclier, quoi, et la fertilité par la gerbe de blé, donc on va bien bouffer avec lui, quoi. Donc c'est les deux attributs de la bonne royauté. Et ouais, c'est comme tu disais, ça renverrait à un mythe plus général qui est répandu sur les fondements de la royauté, parce que ce sont des motifs qu'on retrouve dans divers textes médiévaux pour venir dire, bah voilà. On descend de tel roi qui avait tels attributs, ou on représente tels attributs pour se donner l'importance politique, quoi. Et que ce soit dans la vie de Shield, de Scheffing, avec le mystère de son arrivée, de son renvoi sur les flots, ou dans la succession des générations, dont on décrit les vertus de manière similaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un pouvoir guerrier qui consiste à aller récupérer la bouffe des voisins, et puis qui est très fédérateur parce qu'il est très généreux, il donne des bienfaits, il a une descendance qui est bien éduquée, avec toujours une forme d'horizon de destruction, un aspect cyclique qui peut renvoyer au cycle des saisons. Donc effectivement, il y a une sorte de naturalisation de ce que c'est que la royauté, et naturalisation vraiment au sens très un peu biologique du terme, quoi, quasiment. Je pense que tu as peut-être quelques données à nous apporter sur un peu les choses un peu plus historiques, parce qu'il y a quand même quelques ancrages qui peuvent nous aider à nous représenter ce qui est décrit dans ce texte. Oui, dans le texte, c'est vrai qu'on a une vision de la Scandinavie, du Danemark, où va se passer l'essentiel de l'action, qui est stylisée en fait. Hein. On a l'impression que les personnages, quand ils vont arriver à la Aldeoroth, on imagine une sorte de lieu de refuge au milieu de d'immensité un peu sauvage, là, hanté par Grendel. Et en tout cas, ce qu'on sait pour l'époque un petit peu dans laquelle est censé passer l'histoire, c'est-à-dire en gros le 6e siècle, hein, le 6e siècle de l'âge, un peu l'âge de fer, c'était déjà des territoires qui étaient cultivés depuis d'une longue date, enfin, qui étaient peuplés depuis très longtemps. Donc l'agriculture était déjà omniprésente. Et du coup, même si elle n'est pas décrite, il faut s'imaginer ça. Il y a une stylisation de cette image du Danemark, quoi. Après, non, j'ai pas assez lu pour essayer de donner plus d'informations là-dessus, mais parce qu'en fait, un des problèmes qu'on a, c'est que en Scandinavie, il y a pas de culture écrite vraiment avant. Après les Vikings, à peu près je crois que c'est à partir de l'an 1100, 1200, on commence à se développer vraiment dans ces pays-là une culture écrite. Et tout ce qu'on a, c'est l'archéologie, en fait, avant ça, ou alors des écrits, effectivement, de pays voisins, donc typiquement l'Angleterre, qui était en lien avec ces pays-là, qui a hérité de certaines choses, certains récits, et du coup, grâce à cette culture écrite qui était développée en Angleterre, on peut indirectement essayer de déduire un petit peu quels étaient les modes de vie et la culture de ces pays scandinaves, pour lesquels, par ailleurs, on a finalement beaucoup de déductions à faire à partir de l'archéologie, sinon, quoi. Donc, je voulais juste revenir sur un truc qui nous met vraiment très concrètement qui nous ramène concrètement au texte, vraiment le support physique du manuscrit hein, de Beowulf. Comme on disait, il a été réalisé à l'an 1000 par des scribes, et les scribes, c'est courant, ils font des erreurs de copie. Hein. Et donc, apparemment, les deux scribes qui ont copié Beowulf, ils étaient un peu lourds sur certains trucs. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on explique une grosse bizarrerie au début du texte. C'est que donc on nous parle de Shield Scheffing, de son fils Beo, sauf qu'en fait Beo sur le texte il s'appelle Beowulf, donc c'est très bizarre en fait. On a ce fils de Shield Scheffing, si on le fie à la lettre, le manuscrit il s'appellerait Beowulf, sauf que c'est pas le Beowulf qu'on va avoir dans le récit en fait. Oui, c'est un peu égayé, genre ah, ça y est, enfin le héros, lui aussi il était un peu impatient. C'est hyper perturbant parce que nous on s'attend à trouver Beowulf, ah on se dit c'est lui, mais non, mais comment ça il est mort il y a des centaines d'années, c'est quoi cette histoire? Généralement c'est identifié comme étant une faute de copie. En fait le scribe peut-être connaissait déjà l'histoire, mais pas très bien, et du coup il a écrit Beowulf à la place de Beo, et donc c'est presque toujours corrigé par Beo dans les traductions, mais en fait sur le manuscrit il est marqué Beowulf, mais a priori c'est pas lui. Peut-être que Beowulf c'est un peu le Gérard de l'époque. Ouais, c'est pareil. Mais non, Tolkien dit que c'était un nom très rare en fait, donc c'est complètement improbable qu'il s'appelait comme par hasard Beowulf. En plus ça aurait été remanié pour éviter la confusion. Bon, en tout cas a priori c'est une erreur de copie du copiste, et en fait non, c'est pas Beowulf dont on parle, hein, ça c'est clair. Tu parlais de cette caractéristique double des rois, d'être à la fois des conquérants et une sorte de figure nourricière. Protecteur, moi je disais ouais, plutôt protecteur, mais effectivement conquérant aussi. En fait, ouais. Le côté conquérant, pour moi, c'est presque plus du côté de l'abondance, parce qu'on va aller chercher les richesses des autres, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que les vertus du roi dont tu parlais, protecteur et le fait de faire de, la générosité, bon voilà, là on les retrouve, on retrouve pas le côté agricole, mais par contre, là les cadeaux dans Beowulf, ça y va. Hein. Vous allez voir que pour ce qui est des, on a des pages entières sur les récompenses. La générosité de Hrothgar ou d'autres rois. Et on a aussi des descriptions très crues, hein, des guerres chroniques, en fait, qui agitent cette Scandinavie ancienne. Hein. Alors, voilà, c'est un texte dans son style qui est assez dans l'euphémisme. Hein. Donc, au début, une des premières phrases, donc on nous explique que Skjalfing volait les bancs de ses adversaires, là où ses adversaires sirotaient leur hydromel. Bon, bah, ça veut dire qu'en gros, ils détruisaient leur halle, quoi. Le fait de boire, en fait, de l'hydromel sur, ensemble sur des bancs, c'était un peu une figure qui représentait le fait d'une harmonie, du vivre ensemble, etc. Voler les blancs des adversaires, les empêcher de boire leur bière et leur hydromel, c'était en gros les annihiler. Tu détruis leur assemblée nationale, sauf que eux, c'était l'assemblée nationale, mais avec des boissons qui vont avec. Et c'est vrai que je te disais, moi, ça me faisait penser un petit peu dans d'autres cultures, par exemple, hein, au Japon, le saké, c'était vraiment ce qui couronnait une belle récolte. Et donc, c'était l'offrande par excellence qu'on pouvait faire aux divinités. Et puis, c'était vraiment le, il y avait toute une valeur, une charge symbolique sur, sur cet alcool de riz, quoi. Il y a aussi, je voulais juste revenir sur cette idée, on nous raconte la mort de Skjalfing après une vie bien remplie de bons rois. On lui offre des funérailles somptueuses dans un navire funéraire, hein, qu'on envoie au hasard des océans retrouver on ne sait qui, hein, il y a un effet de mystère un peu. Cette pratique du navire funéraire, elle est en fait attestée par l'archéologie. On a des navires en pierre ou en bois qui ont été retrouvés enterrés en Scandinavie, mais même aussi sur certains sites en Angleterre. Sauf qu'en fait, oui, on les renvoyait pas, littéralement parlant, par la mer. Hein. Ça paraît peu probable, hein, parce que t'imagines, donc, tu mets son roi avec des tas de biens très précieux, t'envoies ça, et puis peut-être, je sais pas, le lendemain, il revient sur la rive, tu vois. Ou pire, il arrive dans le clan ennemi, qui récupère les richesses, et puis qui profane le corps, quoi. Donc, ça paraît quand même peu probable que, littéralement, un roi illustre, on l'envoyait au hasard des courants, quoi. C'est certainement une sorte plutôt d'image poétique, et c'était l'imaginaire qui était derrière ce fait d'enterrer les gens dans des navires, mais voilà, c'était pas une pratique littérale, probablement pas. Il y avait vraiment toute une pratique funéraire très fastueuse, en fait. Si bien que d'ailleurs, donc, on va pas trop digresser là-dessus, mais on verra que dans The Beowulf, il y a tout un truc avec l'or. L'or est très présent dans cet imaginaire-là, et là aussi, l'archéologie montre effectivement qu'à cette époque du 6e siècle, l'or est aussi très présent dans les sépultures, mais ensuite il disparaît. Quand on arrive à l'âge viking, il n'y a quasiment plus d'or, quoi. Il a été enterré, quoi. Il a été enterré avec les rois et tout ça. Oups. Et en fait, la source d'or, c'est Tari. Je reviens peut-être là-dessus, mais en fait, il n'y avait pas tellement de carrière, enfin, d'extraction d'or en Scandinavie. C'était l'or, en fait, il arrivait plus ou moins de l'Empire romain, en fait, hein, directement, par des tribus qui étaient payées par l'Empire romain aux tribus scandinaves et d'autres moyens. Et quand l'Empire romain s'est effondré, ben, l'or n'arrivait plus. Et en fait, il s'est retrouvé vite dans le sol, quoi. Parce que ils étaient enterrés avec, les mecs. Donc, il n'y avait plus d'or après. Donc on a la première apparition de Heoroth, donc la fameuse halle qui est hantée par notre bon Grendel, qui probablement avait une sorte d'existence historique, parce que on la trouve mentionnée dans d'autres textes, et on pense que avant que Hrothgar construise sa fameuse halle dorée dessus, c'était une sorte de site à haute valeur religieuse, en fait, une sorte de site sacré, justement lié notamment à ce personnage de Beo. Donc cette sorte de figure un peu agricole, plus ou moins religieuse, et que c'est une des raisons pour laquelle en fait il y a eu des conflits importants, qu'en fait Hrothgar a dû vaincre certainement en fait le peuple qui occupait ce site avant. C'était un site très prestigieux. En tout cas, c'est un site qui est ultérieurement est devenu très présent dans les récits et qui était, je pense à mon avis pour les auditeurs de vieux anglais, un peu comme pour nous un Camelot, hein, ou pour un auditoire médiéval aurait pu être Camelot, c'est-à-dire un petit peu le haut lieu par excellence. le haut lieu par excellence, mais qui aurait vraiment existé dans un passé lointain, quoi. Bah, en fait, cette fameuse halle, dans un premier temps, on voit qu'elle est, elle est assez peu décrite. On en a des échos, elle est célèbre, mais on en apprend davantage ensuite quand Grendel s'y attaque, et puis pendant les combats contre lui ensuite. L'idée qu'on s'en fait, c'est quand même, quand on voit un peu le paysage global qui est montré dans le poème, c'est un peu le seul endroit vivant, chaleureux, protecteur, dans une nature autrement vraiment hostile alentour, que ça soit la terre ou la mer. Et puis on voit bien que cette construction au sommet de la carrière politique de Hrothgar, c'est un symbole de sa puissance politique et de la richesse de cette population, quoi. Donc c'est dans cet aspect un peu grandeur et décadence et cyclique, on voit bien ce moment où le poète dit ah oui, mais à un moment elle va être détruite du fait des conflits, etc. Donc il y a toujours le déclin qui arrive en demi-teinte au moment même où on parle de l'édification et de la victoire, etc. C'est toujours un peu, ouais, c'est cette idée un peu cyclique et peut-être qui renvoie dans le temps du mythe, si on est sur cette hypothèse là quoi. Je pensais peut-être glisser là ma première rubrique sur le mot huet, qui ouvre le texte et qui s'écrit sans le prononcer nous. On pourrait dire huet, en fait, se prononce huet, avec un bon H devant, qui était traduit dans notre édition par orsa. À l'origine, c'est un pronom interrogatif dont dérivera le what anglais, donc littéralement qui veut dire quoi. On pourrait le traduire par et quoi. Et quoi nous avons entendu parler des Danois à la lance? C'était une façon conventionnelle d'attirer l'attention qui était employée par les ménestrels, en fait, au début de leur prestation. Moi, je suis sûr qu'aussi Tolkien s'en servait pendant ses cours quand il y avait un peu trop de bavardage. What? Le terme est traduit alors très diversement d'une traduction à l'autre. Donc, des fois, il est traduit par et quoi, ou or donc, ou même dans une édition féministe qu'on a trouvée, par bros, donc on pourrait dire en français frangin, quoi. Ça dépend vraiment de la tournure que vous voulez y trouver. Mais c'est un terme qui est aussi pas seulement employé par, qui était pas seulement employé par les ménestrels au début d'un discours, d'un récit, mais aussi au sein d'un discours, comme une accentuation un petit peu rhétorique, pour donner un côté un peu solennel à des propos. Donc par exemple, je pourrais dire, or donc, Laure et Nicolas propagèrent la vraie littérature auprès des peuplades gauloises, qui en vieil anglais donnerait un truc du genre, huet, Laure und Nicolas propagundan, douloulouloulou. C'est un des usages de huet. À noter que même ce petit point de traduction, qui semble plutôt consensuel, il est peut-être dépassé, hein, parce que j'ai découvert un article de 20 pages dans une revue anglaise de littérature et de linguistique, qui affirme que huet, en fait, c'est plutôt une clause exclamative. En gros, il faudrait plutôt traduire par « Comme nous avons entendu parler des Danois à la lance !» ou encore « Qu'est-ce que nous avons entendu parler des Danois à la lance ?» Donc apparemment, c'est une nouvelle interprétation qui fait consensus, alors selon le Wikisionnaire anglophone. Et c'est là que arrive le fameux Grendel, n'est-ce pas? Oui, Grendel. Moi, c'est une figure qui me fascine, parce que, enfin, je pense que quand on arrive sur des textes anciens, on s'attend à trouver certaines caractéristiques. On s'attend pas forcément à être surpris, en fait. Moi, j'ai été surpris par cette figure parce qu'elle est à la fois horrible, enfin, il est terrible, il est décrivant comme un démon, etc. Mais en même temps, il a vraiment quelque chose de pitoyable. Il est vraiment pitoyable, il fait vraiment mal au cœur un peu, hein, quand même. Personnellement, je suis très fortement identifié à ce sociopathe un petit peu qui est là dans sa colline, et puis il est dérangé par t'as des mecs dans une halle qui chantent à tue-tête, qui sont tous très heureux là, à moitié avinés là. Et lui, il était là tranquille dans ses marais, et puis en fait, c'est insupportable, quoi. moi, je trouve ça génial. Il est à la fois horrible, mais en même temps, c'est un malheureux, voilà, qui est banni par le créateur. Donc par exemple, à propos de son ancêtre Cain, mais ça s'applique aussi à lui, on lit dans le texte, « Il n'avait eu nulle joie de cet acte violent. » Donc voilà, il a ce côté ogresque, mais moi, il me rappelle aussi Gollum, hein, dans l'imaginaire de Tolkien, plus que les trolls, par exemple. C'est une sorte de créature comme ça, errante, qui a envie et qui hait à la fois les humains. Donc sur les trolls, d'ailleurs, tu avais peut-être deux mots à nous dire. Oui, effectivement. Bah, en fait, ce que dit Tolkien dans son commentaire, c'est que Grendel, c'est un monstre hostile au genre humain, mais techniquement pas un démon, parce qu'en fait il est mortel, il doit être tué avant d'être envoyé en enfer. Et sa description de en tant que démon, ça serait plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle la phraséologie chrétienne, c'est-à-dire que une manière imagée de parler chrétien, quoi. C'est plutôt une expression, voilà, comme on dit par exemple une expression consacrée, mais on n'est pas en train de dire que l'expression est vraiment consacrée au sens premier du thème, c'est une sorte d'héritage d'un parler chrétien, quoi. Mais pour cette histoire de troll, oui, c'est un peu son côté monstre humanoïde, parce que bon, il y a la référence directe faite au troll. On se représente à présent un peu mieux, entre guillemets, l'aspect de ce qu'est un troll après plusieurs siècles de littérature à les décrire et à les redécrire, à faire des représentations graphiques, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sagas nordiques, et plutôt dans celle qui s'appelle Grettis, il y a un duo de trolls, un mâle et une femelle qui s'amusent à terroriser les humains, et on a un héros un peu trollesque lui-même qui s'appelle Grettir, qui va les combattre. Donc, éventuellement, ça serait peut-être un écho de ce duo, donc Grendel, parce qu'on va ensuite rencontrer sa mère, qui est la version femelle de l'ogre. Et c'est pas du tout la même ambiance que dans la saga Grettis. C'est-à-dire que dans la saga Grettis, on est sur la description du quotidien et un truc un peu potache, presque, je pense. Faudrait vérifier, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Alors que chez Beowulf, c'est plutôt un renvoi mythique, quelque chose d'un peu tragique et gore et horrifique, quoi. Une sorte de figure vraiment bizarre, quoi. Et pour revenir sur l'idée de Cain, là, pour les auditeurs auditrices qui sont pas familiers du texte biblique, Cain, c'est donc ce frère qui, le frère de Abel, qui a commis un fratricide et qui est puni par Dieu. Et là, dans le texte, on voit que le poète vient expliquer toute la monstruosité de l'époque, notamment les trolls, comme étant la descendance de cette personne qui a été un peu punie par Dieu, mise à l'écart, blâmée pour son acte de colère, quoi. Et donc c'est vrai, cet aspect trollesque, cette espèce de gigantisme, cette monstruosité, mais aussi donc il a ce caractère fantomatique, hein. Il y a un aspect paranormal chez Grendel dans la façon dont il se manifeste quand même. Il est décrit comme une ombre qui rôde, une ombre obscure de la mort, tapie et aux aguets, veillant de longues nuits sur les landes brumeuses. Quand il arrive la première fois à Eoroth, il emporte littéralement avec lui 30 hommes, mais apparemment ça réveille personne. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment un truc de fantôme, quoi. C'est pas le gros troll qui défonce la porte et qui... Non, en fait, tout le monde dort dans la halle, il en prend 30, le reste des occupants de la halle se réveille le lendemain et découvre à côté d'eux des flaques de sang. C'est complètement... On est dans les histoires hantées, quoi. Donc il a vraiment cette espèce d'ambivalence. Il est décrit, hein, vraiment dans le texte, comme un personnage gigantesque, mais en même temps, dans la façon dont il se manifeste, on dirait vraiment qu'il surgit la nuit, comme ça. Il y a quelque chose de très, très étrange. Quand tu redis le texte, il y a le côté un peu gollumesque, effectivement. Et le fait qu'il vit dans les marges géographiques de la société, donc dans des marais humides, et puis c'est des marges pas seulement géographiques, mais aussi sociales. En fait, il est seul, ou seulement avec sa mère, quoi, on verra plus tard. Il passe son temps dans les ténèbres, il est actif uniquement pendant la nuit. L'ambiance dans laquelle il vit, c'est plutôt des ténèbres qui sont... je crois que ça correspond à un terme qui décrit aussi les ténèbres de l'enfer, donc il est vraiment rattaché à quelque chose de fantomatique, quoi, même s'il est globalement humanoïde. Et on voit aussi que son hostilité, c'est pas juste envers les humains et la société, c'est aussi envers le fait qu'il y a des louanges envers le dieu, alors on sait pas trop lequel, j'ai l'impression que c'est un peu mélangé, est-ce que c'est le dieu chrétien, parce qu'on a la phraseologie chrétienne qui renvoie à ça, mais en même temps, il me semble qu'on n'est pas très certain de cette histoire de quelle divinité il s'agissait, mais il est malheureux qu'il y ait des louanges envers une certaine divinité, et voilà, on voit qu'il est un peu contre la joie de vivre, moi aussi je m'identifie beaucoup à lui, hein. Moi qui passe mon doigt à dire je déteste la joie, j'ai mon petit côté Grendel, quoi. Il y a une autre chose quand même qui est très frappante, c'est qu'il prend possession de Heoroth la nuit, et ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans, toutes les nuits, Grendel occupe la halle, quoi. C'est un truc de conte de fées complètement, ça. Mmh. On est dans un registre épique, mais qui décrit des phénomènes qui sont complètement surréalistes, quoi. Bon, on reviendra là-dessus. Il y a des hypothèses de Tolkien, c'était qu'en fait, c'était au départ, cette histoire, un conte de fées, plutôt un conte folklorique, dans lequel il y a cette liberté, en fait, et cette tendance à, justement, de stylisation, d'exagération des choses, quand quelque chose dure longtemps, c'est 12 ans, quoi. Et c'est il y a un côté comme ça, un peu de l'ordre de la répétition qui revient dans les contes, dont a hérité le récit sous la forme à laquelle il nous est parvenu, mais qui pour nous, parfois, qui sont des caractérisations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce registre épique. Mais ça, on se dit, putain, 12 ans là. 12 ans, ouais. Bon, en gros, moi, Grendel, il devait considérer qu'il était chez lui à Europe, quoi. Et comme pour lui, la nuit, c'est le jour, il devait se dire à chaque fois, il faut encore que je chasse ces fichus danois là qui sont revenus, tu vois. Tu vas jamais avec ces petits chaussons. Ça finit avec la douche, là, que je puisse commencer ma hantise. Oh là là. On va continuer avec Grendel, parce qu'il y a même beaucoup de choses à dire sur Grendel. Notamment, on va passer là-dessus, mais en fait, le personnage qui pourrait le plus ressembler par certains aspects à Grendel, c'est Beowulf. On dit plusieurs fois qu'il est immense, il a cette force de 30 hommes. Il emporte 30 hommes, Grendel, la première nuit où il va à Heoroth. Et on verra plus tard que Beowulf, lui, il est fort comme 30 hommes, que dans une des guerres, il ramènera 30 armures dans son royaume des Gaules, après une certaine guerre. Donc il y a vraiment une sorte de correspondance souterraine entre les deux, on ne sait pas trop comment interpréter, mais elle est là, quoi. Donc Grendel, on nous décrit comme ça pendant un long paragraphe à quel point il est terrible, et il sème la terreur. Et alors là, il y a une précision qui, moi, m'a complètement surprise. On nous précise que, oui, il n'y avait pas moyen de faire de trade avec lui, et qu'on pouvait même pas parlementer, quoi. Bah oui, évidemment que non, je veux dire, pour nous, c'est évident. Enfin, c'est une précision qui m'a vraiment, voilà, qui est développée. Alors, littéralement, dans le texte, on dit, il ne voulait de trêve avec quiconque parmi la troupe danoise, et aucun des conseillers n'avait de raison de s'attendre à une compensation en or des mains du meurtrier. En fait, le texte laisse carrément penser qu'il y a eu des tentatives de trouver un arrangement avec Grendel, mais que ça n'a pas marché, quoi. Moi, ça m'a vraiment frappé, ce truc-là, parce qu'on a du mal à imaginer même que cette espèce d'être ait la parole, quoi, en fait, qu'il puisse parler. Et pourtant, si. Cette précision, elle devait avoir un effet, en fait, sur l'auditoire, elle devait faire sens pour l'auditoire. Moi, je me suis demandé si c'était pas aussi un effet horrifique pour les gens de l'époque, que ce soit les Scandinaves du 6e, 7e siècle, ou même les Anglais plus tardifs, vivaient dans des périodes où la guerre était chronique. Mais le dernier petit refuge il y avait quand même des formes d'aménagement des conflits et de pourparlers qui pouvaient avoir lieu, qui étaient codifiés. Et le fait qu'une créature qui ne respecte même pas ces espèces de façons de traiter, peut-être que pour eux, c'était un truc particulièrement horrifique aussi, tu vois. Ce qui caractérise davantage encore Grendel comme ne faisant pas partie de l'humanité, quoi, refusant les lois, les codes humains. C'est ça. En dehors de renvoyer à Grendel, ça nous renvoie, cette précision, à un imaginaire différent du nôtre, en fait. Justement, c'était une chose horrible que d'avoir un être qui soit même pas raisonnable et même pas communicable, alors que pour nous, ça fait partie... En fait, on est abreuvé de films, de livres, etc., avec des monstres dedans. On se dit même pas que voilà, c'est tout à fait courant pour nous de d'imaginer ça. Mais pour cet auditoire-là, apparemment, c'était quelque chose qui était marquant. Après, on saute complètement de contexte, quoi. On part de Heoroth, on découvre enfin ce qui va être le fameux héros, donc Beowulf. Oui, enfin. Peut-être que je peux glisser ma deuxième rubrique, puisque là, nous allons partir sur un petit peu de navigation. Lego traverse la mer pour rejoindre le Danemark, et donc on trouve cette formule « Ofer Hundrade », qui a été traduite par Christine Laferrière « Sur la mer où chemine la baleine ». Donc il s'embarque sur la mer où chemine la baleine, qui est une formule évidemment qu'on a reprise pour le podcast. Hein, voilà. Alors, prononcer Ofer Hundrade. On peut retrouver, quand on lit ça, des consonances anglaises. C'est Ofer, ça va devenir over, pas à travers. Hundrade et radé, ça deviendra plus tard route. Ofer Hundrade, c'est ce qu'on appelle un kenning. Alors, un kenning, c'est un terme utilisé pour la langue vie anglaise, notamment. Et ça désigne une brève expression imagée qui est employée en poésie à la place d'un mot ordinaire. Dans Beowulf, on trouve plein de kennings comme ça, très évocateurs, mais qui compliquent la tâche des traducteurs parce que c'est des expressions qui sont exotiques pour nous. si on les traduit à tout va, ça coupe complètement le flow du récit. Hein. Alors que dans la langue anglo-saxonne, dans les poésies anglo-saxonnes, il y avait tout un répertoire de Koenigs bien établi, qui était utilisé très couramment pour justement faciliter la versification allitérative. C'était donc des expressions qui étaient poétiques, mais qui étaient aussi très conventionnelles et familières. Donc pour la mer, par exemple, on a des tas de Koenigs, donc d'expressions très récurrentes en littérature vieille anglaise. Donc par exemple, Ganoteth Bof, qui veut dire le lieu où plonge le fou de Bassan, ou encore Huelvweg, le lieu où les baleines partent faire leur voyage, ça aussi ça voulait dire la mer en fait, ou encore Seolhbathu, le bain des phoques. Autre terme qu'on pouvait, dans les registres des termes variés qu'on pouvait utiliser pour dire la mer. Donc ici, Ofer Hondhade, sur la mer où chemine la baleine, sauf que dans son commentaire, Tolkien contredit sa propre traduction. Donc voilà le genre de casse-tête auquel son fils Christopher a été confronté quand il a dû éditer ce texte. Alors Tolkien, à force de réviser son texte et d'approfondir sa maîtrise de la langue, il en arrive en fait à la déduction que Hron, ça veut pas dire baleine, mais plutôt marsouin ou dauphin. Après tout, en anglais, on avait un autre mot pour baleine, fwell, qui donnera whale plus tard. Et il nous est même parvenu un adage vieil anglais qui précise que Hron, ça valait 7 fois la taille d'un phoque, mais c'était 7 fois plus petit qu'une baleine. Donc, ça voulait, il aurait fallu traduire sur la mer où chemine le marsouin. Mais bon, marsouin et dragon comme nom de podcast, pas terrible. On va rester sur la baleine. Alors du coup, oui, on se retrouve en pays Go. Les Go, oui. Et c'est qui ces gens? En fait, on n'est toujours pas très sûr de qui sont ce peuple Go. Alors quel rapport avec les Go qu'on connaît, nous, en lien avec les Visigoths, en lien avec la chute de l'Empire romain, etc. En fait, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. Ils ont un lien, et c'est quand même la Scandinavie, mais les Go, c'est précisément auquel appartient Beowulf et son roi Igelac. On ne sait pas trop si c'est un peuple qui était situé en Suède, c'est plutôt la thèse qui fait consensus, mais il y a aussi des publications qui pensent que c'était plutôt un peuple insulaire, en fait, les habitants du Gotland, qui est une île située en gros à équidistance de la Suède et de la Lettonie. Voilà, donc c'est encore une chose qui est très débattue aujourd'hui. Bah, moi, de ce que j'ai vu par rapport à cette description géographique et cette description des paysages qui arrivent là à ce moment du récit, aucuns disent qu'on serait un peu toujours dans l'idée de créer une ambiance, comme avec les noms royaux qui sont inventés ou qui font référence à un passé mythique. Mais en fait, on est quand même face, a priori, à une sorte de topographie assez vague. C'est ce que la chercheuse Heather Donoghue dit quand elle parle de Scandinavie de l'esprit, où selon elle, le poète décrit ce qu'il fantasme de l'Europe du Nord, qu'il ne connaît probablement pas de première main, donc il va sur des motifs évocateurs pour faire rêver son auditoire de terres et de peuples autres par leurs coutumes, par leurs caractérisations, leur lieu de résidence et leur époque. Donc on serait plutôt avec une géographie fictive et mythique, créée à partir de représentations médiévales anglo-saxonnes de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Danemark et la Suède. Pour O'Donoghue, la caractérisation du peuple des Go, dont vient le fameux Beowulf, fait un peu typique. C'est-à-dire que les guerriers sont caractérisés par leur rapport à la géographie ou au monde naturel qui est la leur, c'est-à-dire avant tout la mer. Pour la citer un petit peu, parce que j'aime bien la façon dont elle formule les choses, elle dit « Les anglo-saxons pourraient avoir eu des représentations stéréotypées des Scandinaviens de l'époque médiévale, en faisant un peuple de navigateurs défini par leurs bateaux, tout comme nous le faisons de nos jours. » Là où l'on pourrait dire Hrodgar, l'homme le plus aimé sur Terre, le poète écrit l'homme le plus aimé entre les deux mers. La Terre est définie et circonscrite parce qu'elle n'est pas. La mer est toujours présente, au bord, au bas d'une falaise, s'étendant à perte de vue. Fin de citation. Et c'est vrai que quand on lit le texte, le voyage par les mers, on se dit ça doit être vachement dangereux quand même à l'époque, mais pour les Go, ça a l'air facile, ils ont un certain savoir-faire, une habileté qui leur permet cette navigation, notamment parce qu'en fait ils ont des bateaux appropriés, qu'ils ont réussi à concevoir avec un certain art, puis ils ont la maîtrise du voyage par la mer, hein, de manière presque un peu magique et naturelle, et on voit aussi que les bateaux, ils semblent avoir une forme de personnalité propre, d'une volonté qui rend possible le voyage, sont presque des compagnons humains et moins des objets, moins des artefacts humains inertes. Ils sont animalisés, ils sont personnifiés, et ils semblent être des habitants des mers. Donc c'est pour ça que peut-être ces fameux marsouins baleines sont remplacés par le savoir-faire des bateaux qui ont été construits, quoi. Peut-être que c'est le moment pour moi de faire ma fameuse rubrique et qui est un peu en écho avec la tienne, justement. Alors là, on a un passage vraiment, moi, que je décrivais comme atmosphérique. On commence à voir apparaître ce qui est le personnage principal de l'aventure, le héros au sens premier du terme, donc vraiment héroïque. Il a toutes les qualités, il va sauver la situation après une série de péripéties. Il se lance dans l'aventure et ça commence souvent, une aventure, par un voyage. Et là, ce qu'on sent, je crois, après le moment généalogique un peu confus, c'est qu'on entre pleinement dans l'action. Et en tout cas, c'est un peu le flair de lecteur de fiction moderne qui dit ça, et ça semble être aussi un peu l'idée de quelqu'un qui est Mark Atherton. Mark Atherton, qui est un académique anglo-saxon, enfin en anglais, qui a composé la douce et entraînante ballade The Whale Road vers la fin des années 2010. C'est cette ballade qui va occuper ma rubrique pour cet épisode, qui est donc rubrique dédiée aux échos artistiques de Beowulf. J'ai découvert la fameuse The Whale Road en parcourant l'ouvrage universitaire collectif Beowulf in Contemporary Culture, donc Beowulf dans la culture contemporaine, dirigé par David Clark et paru en 2020 chez Cambridge Scholars Publishing, dans lequel le spécialiste de littérature médiévale et de vieil anglais Mark Atherton, donc, va présenter lui-même sa chanson comme une forme de rapport culturel contemporain au poème Beowulf. The Whale Road, c'est une ballade qui a été donc écrite par un universitaire anglais lors d'un moment de repos, qui précise qu'il ne partait pas bille en tête avec un grand projet érudit et expérimental de création et d'interprétation d'un texte médiéval. Il fait pas une recréation au sens vraiment savant du terme. C'est un musicien par loisir, quoi. Il n'est pas en train de faire une étude de la musique ancienne pour essayer de voir comment c'était exactement à l'époque et de le reproduire. Il s'amuse avec ses instruments qui sont contemporains, plus ou moins refaçonné par des facteurs qui imitent des instruments anciens. Donc on peut se l'imaginer en train de chantonner, et ben il est là, il repense à ses textes favoris, ceux sur lesquels il passe ses jours et ses nuits en tant que spécialiste, le poème de Beowulf, mais aussi d'autres qui, semble-t-il, partagent avec lui des thèmes, peut-être une atmosphère, notamment créée par des images poétiques marquantes, comme celle du Kenning que tu viens de dire, là, de Whale Road. Il se met à composer un poème synthèse dont le narrateur, sur le départ, a un pied dans l'aventure. Ça pourrait très bien être ce jeune Beowulf face à la mer, voire déjà en train de voguer sur son intrépide bateau. Et l'idée d'Atherton, au-delà du simple jeu plaisant de la composition musicale, c'est que Beowulf, il a dû être interprété il y a des siècles de cela, le texte a dû avoir une mélodie, ou au moins une forme de scansion rythmée, peut-être même avoir un accompagnement musical. Alors, pourquoi ne pas y jouer? Pour composer sa musique, lui, il propose un genre de syncrétisme, de technique d'écriture censé, entre guillemets, faire ancien, et donner la sensation que c'est une musique qui aurait traversé les âges. Quant aux interprétations de cette ballade, avec divers instruments, pas spécialement anciens donc, mais plutôt folk, pour le moment elles sont faciles d'accès, puisque Mark Atherton l'a joué à plusieurs reprises avec un groupe d'amis musiciens, notamment dans son université à Oxford, et certaines de ses performances ont été filmées et rendues disponibles à la consultation directement sur la chaîne YouTube de Mark Atherton. Vous pouvez aller dans la barre d'infos de l'épisode, aller directement l'écouter si vous le souhaitez. Et dans son article, Mark Atherton conclut avec une idée esthétique assez simple finalement, c'est que la musique, ça permet d'animer encore davantage les images poétiques, et que lui, il essaie avec cette baleine, cette baleine, la plus révélateur, avec cette balade, il veut donner à ressentir plus vivement l'excitation de l'aventure et du voyage, dans un style que moi je qualifierais de courtois, mélancolique, avec des pointes d'exaltation qui vous donneront peut-être très envie de faire une petite promenade dans les bois, voir une grosse rando sur la côte ou une expédition en bateau si vraiment vous êtes à fond, avant de rentrer chez vous pour lire confortablement installé dans un fauteuil moelleux ou pour méditer sur une quelconque querelle de traductologie. Pourquoi pas une petite tasse de thé avec un collègue, ça c'est vraiment l'aventure académique à l'ancienne, selon le fantasme qu'on peut déraisonnablement en avoir, le temps d'une chanson rêveuse, ça passe, quoi. notre traversée des océans et des interprétations contemporaines de Beowulf se poursuit et on arrive donc dans le texte chez les Danois, enfin, sur les rivages des Scyldings. On sait déjà plus comment le prononcer. Et donc on a ensuite cet échange qui arrive avec ce veilleur. Je pense que même pour nous, lecteurs contemporains, on sent qu'il y a une petite tension dans l'air. Il faut peut-être un peu clarifier pourquoi cette tension. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ego, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est qu'ils secouent leur côte de maille. Donc autrement dit, ils s'arment. Pourquoi ils s'arment? Pour restituer le contexte politique de l'époque, les Danois, chez qui arrive Beowulf et sa troupe, sont alliés en fait avec les Suédois. Mais les Suédois, c'est les ennemis mortels des Goths, de son propre peuple en fait. Hein. Donc en théorie, les Goths, c'est pas non plus trop les potes des Danois et de Hrothgar chez qui ils viennent d'arriver. Hein. De toute façon, ils sont arrivés sans s'annoncer. Hein. Et donc le veilleur, on imagine un petit peu l'effet que ça lui fait. Il est tout seul sur son cheval, heureusement qu'il a son cheval. Et donc il y a une quinzaine de mecs en armure, en casque terrifiant qui débarquent. Il sait pas qui c'est quoi. Mais il va quand même aller voir pour les provoquer avec un discours bien senti, quoi. Faut dire un truc aussi sur les homes. Ils sont décrits quand même relativement bien dans le texte. Il faut s'imaginer que c'était pas juste des homes des casques médiévaux. Là, c'était des homes armoriés. Donc, ils avaient des figures. Ils étaient destinés à impressionner ses ennemis, en fait. Un petit peu comme les casques de samouraïs qui avaient des masques grimaçants avec des cornes et des choses comme ça. Pareillement, c'était des casques avec une visière qui couvrait le visage qui était elle-même décorée. Et souvent avec des figures de sangliers ou des choses comme ça sur la crête du casque. Je pense qu'il devait donner une allure plutôt sinistre à ces gars qui débarquent sur la plage. Oui, c'est vrai qu'on sent d'abord qu'il y a une sorte de tension et une inquiétude. Le veilleur, il est limite accusateur et provocateur. On sent qu'il y a un peu les muscles là. C'est une forme de mise à l'épreuve. Alors prouve-nous que tu viens bien intentionné. Donc vas-y, c'est le moment de te défendre parce que sinon on va te passer au fil de l'épée probablement quoi. Et Beowulf, qui sert de chef visiblement, se présente en allié avec un discours très compassé d'ailleurs. Il lui sert bien les pompes comme il faut. Donc il dit il vient d'un précieux lignage avec un passif amical avec la maison danoise. Il se présente en sauveur conseiller pour se débarrasser de la nuisance de Grendel. Et en même temps, on voit que dans son discours, il minimise sa puissance. Il est compatissant avec les Danois, avec leurs difficultés, et plus particulièrement avec le chagrin du roi Hrothgar, qui le place, selon Donoghue, dans une sorte de relation un peu père-fils. Et vraiment, on voit qu'il arrive un peu comme une sorte de good bro, comme un fellow sympathique. Le discours est convaincant, ça fait descendre la tension, même si après, on voit que, enfin on le verra dans l'épisode suivant, mais il y a encore des moments où ça respire la provocation entre guerriers. Et à la fin de ce passage, on voit qu'il y a tout un soin un peu étrange qui est porté sur les bateaux. Donc ces artefacts qui devraient être vraiment précieux parce qu'on leur dit « Oh là, on va les mettre à l'abri, on va bien s'en occuper. » C'est presque laisser son poney à l'écurie, mais c'est le poney de Gandalf qu'on rigole pas avec. Un mot sur Beowulf aussi, parce que quand même, il est arrivé, il n'a pas encore été nommé, je crois. Non. Si, il est nommé à ce moment-là? Non, en fait, la première fois, c'est étonnant, oui. La première fois qu'on lit le nom Beowulf, c'est en fait quand il prononce son discours en réponse au veilleur. Jusqu'ici, on a la première dénomination qu'on a de lui, c'est le héros de Higelac. Mais la première fois qu'on lit Beowulf, c'est quand il répond au veilleur, en fait. Et d'ailleurs, oui, comment ça se fait que l'auteur tarde si longtemps avant de nommer son personnage principal? Je pense qu'il faut remettre un peu en contexte. De quelle manière ce récit était véhiculé, c'était dans une époque où, en fait, certainement que l'auditoire connaissait déjà l'histoire, hein, bien avant l'industrie du divertissement et qu'il y ait une production industrielle de récits. Les gens réentendaient souvent les mêmes histoires, même s'il y avait des variations, etc., des réinterprétations. Il y avait vraiment tout un répertoire de personnages très récurrents. Et donc, quand ils entendaient un ménestrel qui commençait à parler de shield chafing, ils savaient qu'il y avait de bonnes chances qu'on ait Beowulf qui débarque. C'est le shield chafing cinématique univers, finalement. Oui, voilà, ça va avec, quoi. Et du coup, quand ils dévoilent enfin le nom du héros, l'auditoire sait déjà que ça parle de ce que c'est Beowulf. Quand on dit que c'est le héros de Higelac, ils le savent déjà. Ça n'a pas un rôle d'information, ça plutôt, pour moi, j'y vois plutôt comme une espèce d'effet théâtral. Genre, ça y est, il est là, quoi. Enfin, et d'ailleurs, c'est le personnage lui-même qui se déclare comme étant Beowulf. C'est un peu comme s'il levait un masque ou quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu aussi on peut y voir une sorte d'affirmation de soi face au veilleur qui vient quand même de lancer quelques petites provocations bien senties, là. Effectivement, comme tu dis, il fait un discours très circonstancié, très compatissant, qui caractérise mine de rien le personnage. Hein. On va retrouver cet aspect de Beowulf qui peut s'emporter des fois, mais qui par ailleurs est quand même une espèce de bonne patte, on a l'impression comme ça. Mais voilà, tout est en nuance dans ses discours, dans ses effets de rhétorique, et malgré tout, on sent aussi, comme tu dis, qu'il y a, il y a une fierté en fait qui ressort. Et pour moi, c'est, en fait, de se donner à ce moment-là son nom, c'est aussi un geste, une forme de fierté qui se manifeste comme ça. Je me demandais dans quelle mesure on ne pourrait pas y voir aussi, dans certaines cultures, le fait de donner son nom à un étranger, c'est se dévoiler. Je sais que par exemple, je crois chez les Inuits anciens, tu donnais pas ton prénom à un étranger comme ça. Alors est-ce que le fait de prendre du temps dans le récit avant de dévoiler le nom d'un personnage, il n'y avait pas un côté un peu comme ça? C'est un procédé qu'on retrouve à d'autres moments du poème, où en fait on désigne un personnage d'abord par des paraphrases, et seulement dans un second temps on donne son prénom. Donc c'était un effet stylistique, même si aujourd'hui on est obligé de deviner quelle a été la fonction de cet effet stylistique, c'est clairement c'était un choix de la part du poète, quoi. Baleines et dragons, c'est fini pour ce premier épisode, donc vos chroniqueurs espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie et que vous les retrouverez dans l'épisode suivant. En tout cas, nous avons hâte de faire quelques brasses supplémentaires sur cette piste maritime vieille anglaise, et ça sera plutôt viril. Ça va chauffer à Eoroth, des nouveaux venus, une cour endeuillée agitée par des émois, des fâcheux pleins de soupçons, mais l'espoir, la témérité du glorieux héros. Et bien sûr, vous retrouverez nos voix et nos explorations à travers la littérature, l'histoire et la création. Si vous êtes prêts et prêtes à replonger, abonnez-vous, laissez-nous un petit ou un très long commentaire ou un simple emoji et passez nous visiter sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez tous ces liens dans la barre d'infos de l'épisode, aux côtés des ressources documentaires qui ont nourri nos échanges du jour. À très vite, et je dis bien sûr à très vite aussi à mon comparse Nicolas. À très bientôt.